salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui, eh bien, il fait beau, c'est l'été, encore au moins pour ce soir, c'est le moment de faire le tour des derniers ajouts dans nos playlists, de partager ces petites pépites qui seront parfaites pour habiller tous ces moments potentiels de détente, de travail forcé peut-être aussi. Et je dis non parce que Asma est avec moi ce soir en studio. Bonsoir Asma. Hola. On t'entend, tu es là avec nous, merci beaucoup. Je suis là. Nicolas nous a lâchement abandonné pour être en Suisse ce soir, on le pardonne et on l'aime beaucoup. Du coup, le Memento pour rouler à fond les vitres ouvertes, eh bien c'est tout de suite sur Radio Panique, dès que j'ai pu lancer ce magnifique titre qu'on débriefera juste après. Juste après. Alors, on vient de s'écouter un petit Joule des familles, alors la zone. Arthur, pourquoi ce choix, Osé. Eh bien, parce que déjà, le petit Jules était la BO de mes vacances de l'année passée. Mmh. Et il se peut que ça ait été un petit peu aussi la BO de des vacances, puisqu'il sort un album tous les 6 mois. Ben voilà, j'ai écouté avec grand plaisir son dernier album en baladant à Marseille. Et il assume, et ça c'est beau. Et c'était très bien, c'était génial de se balader à Marseille. Je suis rentré ce matin en plus, et je me baladais avec mes écouteurs dans les oreilles, et j'écoutais ça, et je trouve que ça prend tout son sens, quoi, parce qu'en fait, il raconte toujours sa vie. C'est toujours ce qu'il fait dans ses paroles, c'est vraiment minuit, la lune, je suis dans ma Clio, il ouais. y a le rosé dans le pseudo, enfin, c'est vraiment ça, et je trouve que ça prend tout son sens, et je trouve que dans ce genre de musique un peu soubre pour danser avec plein de gens qui crient, ben, je trouvais que c'était bien, et du coup, j'ai réellement écouté ça. Même pas en mode deuxième degré, un peu ironique. Non, j'ai juste trouvé ça fun. Bah, j'ai une confession à te faire. Enfin, donc, je suis aussi allée à Marseille parce que j'ai pas de personnalité. Et j'ai commencé à kiffer Bande Organisée, en fait. C'était la chanson qui passait à toutes les soirées depuis 1 ou 2 ans. Et j'étais là, oh non, arrêtez, j'aime pas. Et en fait, depuis, comme tu dis, ça prend tout son sens. Je sais où est la Canebière, je sais où est le Prado, je sais où est le Vieux-Port. Tout ça prend sa saveur, prend son sens. Et puis, ouais, c'est pas de la musique de fou, mais il y a plein d'énergie. Moi, j'aime beaucoup. D'aucuns diront que c'est un génie. Oui, oui. En tout cas, il bosse, ça c'est sûr, vu qu'il il produit non-stop. À fond. Toujours à Marseille, oui. On s'en est rendu compte sur la préparation de cette émission. C'est-à-dire il y a 5 minutes. Exactement, un petit Johan Papa Constantinou, je le prononce très mal. Je lui soupçonne, comme à chaque fois qu'on le passe, des origines très très grecques. Je pense que c'est indéniable. Oui, oui. Mais c'est un peu mon petit chouchou d'amour, Johan. Et je suis trop contente que pour le début de l'été, il nous ait ressorti un petit morceau qui s'appelle Tata. Et donc avec lui, c'est toujours un peu des influences orientales, grecques, bouzouki, à tout au berzeng. Et avec ce morceau aussi, il change un tout petit peu de registre. Il est plus dans les sonorités jamaïcaines et latino, mais il a toujours quand même sa patte. Donc je l'aime trop. C'est poétique, c'est chantant, c'est dansant, et je trouve que c'est à écouter en toutes circonstances. Ok. Et bah, laissez-vous emporter. Écoutez-moi ça. Tout doucement, ça vient, ça monte. Oh oui. Tata, je recompte encore sur les doigts. J'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux mouillés. Oh. Quand ton doute est c'est moi. La température, le vent, tout est parfait. Le soleil est coupé par la mer. C'est tellement beau que j'en ai plus peur de la mort. Le soleil est coupé par la mer. C'est tellement beau que j'en ai plus peur de la mort. Je rêve de voyager. J'arrive à planer, je peux rester au-dessus de la terre. Voir le paysage passer des montagnes à la mer. Je m'éloigne du sol, je vois le monde rétrécir. Le silence dans le ciel m'aide à réfléchir. Les frontières ont menotté les humains. J'ai toujours le même rêve que dans le premier texte. Je sais pas si c'est le bon Dieu ou le destin. Mais la musique m'a emmené jusqu'à Marrakech. Je la remercierai jamais assez. J'ai rêvé de voyager. Je la remercierai jamais assez. J'ai rêvé de voyager. Je rêve de voyager. Voyager de Pete, notre ami du 7-7, que j'aime énormément. Son album Mignon est sorti il y a quelques mois maintenant quand même. Et c'est une putain de bon. Pour moi, il y a des morceaux un peu tristes, planants comme ça, des trucs un peu plus un peu plus débile, très très fun quoi, du bon débile. Et je trouve que c'est un album qui se démarque pas mal de ce qui se fait ouais. en ce moment dans le rap belge, avec un flow un peu à l'ancienne, je trouve. Et du coup c'est vraiment plaisir, et je trouve que en particulier celle-là qui s'appelle Voyager pour des pépites summer, bon voilà, ça voilà, met bien voilà, pour moi c'est vraiment c'est un morceau qui va bien marcher sur des images de calanques marseillaises retournons-y faites au drone. Je trouve que voilà, ça me ouais, gros mood. Ça me parlait bien. Oui, c'est une très belle découverte en tout Est-ce cas. On va avoir l'accent marseillais sur régulièrement sur toute cette émission. Je panne ce bien. C'est toute la question. Asma, oui. Tu nous ramènes une dame que je ne te savais pas, dont je ne te savais pas fan comme Et ça. Ben, moi non plus, pas du tout fan d'ailleurs. D'accord. Moi, je suis le genre de meuf qui découvre des morceaux qui sont sortis à la fin des années 90. Je les découvre en 2021, tu vois. Bah oui, ça s'appelle être un petit peu hipster de voilà. se rhabiller à Binonante, de réécouter à Binonante. Au détour d'une playlist mise au hasard dans une voiture quand t'as 14 heures de route devant toi. Oui. Et puis il y a un morceau qui passe, tu dis « Putain, c'est bien ça, c'est qui ?» Et puis tu vois « Madonna » et tu fais « Ah !» Et donc ouais, pour la petite anecdote, c'est un des morceaux les plus vendu de Madonna, 7 millions d'exemplaires je crois quand même. Et donc voilà, depuis que je l'ai découvert sur la route du retour du sud de la France, je l'écoute en boucle. C'est donc Frozen de Madonna, et il y a aussi ce côté ultra planant que j'adore trop. D'accord, Frozen, Madonna. Un petit classique des familles. Ça repart, merci Spotify. Mm-hmm. Alors, on vient de s'écouter Frozen de Madonna et ça nous a fait beaucoup penser à une BO de film sur la plage. Mais moi, ça m'a même fait penser à la plage tout court, le film. Le film, ouais. Parce qu'il y a un petit effet de synthé qui est dans l'intro de la BO de la plage, quoi. Yes. Moi, je vous propose de revenir gentiment en Belgique parce que. Attendez, je me perds dans Spotify là, on fait n'importe quoi. Hop. Avec Stuff, parce que Stuff, c'est un groupe flamand de jazz. Enfin, à ce stade-là, pour moi, on n'est plus tellement dans le jazz, mais voilà, c'est le jazz expérimental qui va se balader dans l'électro et tout ça. Et c'est fou. Ce groupe fait plein de trucs hyper variés, hyper bien foutus. C'était la touche belge de l'émission. Il y en aurait une deuxième, puisque, enfin, il y en avait. La première, c'était Pete, pour le côté francophone. Mais là, c'est le côté flamand. Et voilà, moi, c'est un titre super original. Je trouve que la Belgique peut faire autre chose que des artistes de pop qui déchirent tout en France, ce qui est déjà un bon début. Hein, mais la Belgique fait aussi ce genre de choses qui va se balader dans des territoires nouveaux. Voilà, ça s'appelle Stuff, le groupe, et leur titre, c'est Waxy. Georgia Boin dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse. Colorado avec l'église de Saint-Joseph derrière moi et la femme, c'est beau, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé tous ces chœurs, ce côté un peu. C'est trop bien, ça fait. Western de vacances, moi je trouve. Ouais, c'est l'évasion, c'est la liberté. C'est très bien joué. Tu vois les paysages un peu ocre d'Amérique comme ça. Oui. Il fait chaud, oui. T'as trop envie de... Enfin, je sais pas, ce morceau, il réveille trop mes envies de road trip américain, comme ça. J'adore. Alors, on aura plus tard une musique à écouter sur la route, en cabriolet, ou les fenêtres ouvertes, très fort. Très fort. Mais juste avant, moi, j'aurais un truc à vous proposer qui est très, très simple et qui est très, très vite, très, très rapide à proposer parce que, en fait, je ne sais pas du tout c'est quoi ce groupe, ne serait-ce que ça s'appelle Los Pollos Hermanos. C'est un groupe manifestement en tout cas avec des rappeurs UK dessus et je n'ai aucune idée d'où ils viennent, ce qu'ils font. C'est, je ne sais pas d'où est sorti cet artiste, mais je l'ai entendu un jour et c'est rentré dans ma playlist et j'aime beaucoup petit rap anglais sur de la musique extrêmement groovy. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus que ça, on y va. Of Conterna Real Estate. Hey, it's a pleasure. Good to meet you. And Gustavo Frank of Los Pollos Hermanos. How many times would they say I'm the smoothest? Truth is, I never not moved this way. My trench coat leather, my shoes are suede. Biggie don't step on my pumas, babe. Walk ages in these trainers, but I ain't tripped when they losing faith. You know I've been tested without a question. Why they on net doing Q&A? She say I'm a son of a gun, but really miss me like she's shooting strays. It's cool, it's great, but it's more fun when you use your waist. Made in a manner like Kano, with the able use of moving K. And searching for P's on my P's and Q's, man, step out the queue, you could lose your place. And I seen it, bro, and you see I'm the CEO. Teaching my team how to aim for the head and no waist, no lead on no knees and toes. Don't waste it. Briefings in the board meetings with the G's, them, but they been involved. How you wait end up on street with bro? Only Jesus knows. But still, I'm here counting my blessings. I ain't account all the lessons. Found out in the drought, just got man. Use one hand when I'm counting my brethren. Can you really doubt I'm a legend? All the hours round the clock that I put in. Do the eyebrow like the rock when they looking. They can smell the shit Knox is cooking. Gustavo Frick. Hi Gus, gotta tell you, you guys make some killer chicken. Thank you very much. Parks, une proposition d'Asma. Raconte-nous oui. un petit peu cette magnifique jolie chanson tout en douceur. Et mais en, oui, c'est Arlo. Arlo, elle est trop cool. Elle est chauffée par le soleil. Oui, Arlo, elle est trop cool. C'est une chanteuse, compositrice, poétesse de 21 ans. Elle est anglaise. Et vous, si vous avez déjà écouté quelques émissions, vous savez, vous connaissez mon amour pour la musique anglaise. Mm-hmm. Et j'ai choisi ce morceau parce que c'est un peu mon morceau confort de l'été, le truc un peu smooth que t'écoutes un matin comme ça où t'es dans ton lit, tu regardes par la fenêtre, il y a une petite brise et t'as passé une chouette soirée avant. Et il fait beau, il faut oui. pas se presser. c'est juste doux. Et voilà, tu fermes les yeux et t'as un peu un bête sourire aux lèvres et voilà, ça passe tout seul comme ça, c'est tout smooth. Moi je mettrais bien ça après que ton copain, copine, amant, amourette, machin, autre, personne d'intérêt soit parti ou pas encore réveillé, tiens, pour prendre ouais. sa douche. Ou tu réveilles avec ça. Ouais. Voilà, un petit moment de love. De love et de sympathie oui. entre humains, qu'on aime beaucoup. Qu'on adore. En parlant d'amour. Speaking of, Music is God, My Love, Chassol, mm-hmm. de son album India Mort, qui est un vieil album de 2013. Mais pourquoi je vous ressors ce truc? C'est parce que, il y a genre une semaine, j'ai eu l'immense plaisir de voir cet homme et ses amis musiciens, parce que c'était Chassol and Friends, jouer en live au Théâtre Sylvain à Marseille, qui est un ancien amphithéâtre romain. Ce qui était fort sympathique avec genre 1500 personnes autour, c'était mm-hmm. très bizarre. Ça, mais c'était... on les avait vus ensemble au Vauxhall, non? Non, dans le kiosque du Parc Royal. Chassol? Oui, t'étais pas là. Non, j'étais pas okay, là. Bon, bref. J'étais pas là, malheureusement. Ouais. Du coup, c'était une très belle, on va dire, revanche, mais. Et pourquoi, quel est l'intérêt de Chassol? C'est parce qu'il fait de la musique sur image. Et, ouais. Et du coup, il faut. Pour une première découverte, après ça peut s'écouter sur Spotify, mais pour une première découverte, il faut regarder ça sur YouTube parce qu'il y a un montage vidéo qui va avec. Et en fait, en live, il y a un écran et il joue avec ça. Mm. Et donc, il prend une boucle. Là, c'est un bout d'interview d'une dame en Inde, parce que c'est son album en Inde, qui dit « Music is God, my love ». Et en fait, il loupe ça, ouais. et ça loupe aussi dans la vidéo. Et en fait, il harmonise le réel, en fait, il harmonise sa phrase, et puis en fait, il en fait une musique. Et ça fait des très belles choses, il a aussi fait ça sur un discours d'Obama. En fait, au départ, il a commencé sur des vidéos qui n'étaient pas à lui, puis après, il est passé sur des vidéos. Au moment où il s'est dit, je vais créer mon propre matériel. Mmh. Du coup, il a fait un album à la Nouvelle-Orléans, en Inde, à la Martinique, dont il est originaire. Et il a fait plein de choses comme ça, et c'est très très bien. Il vient de ressortir un nouvel album, qui est un peu plus difficile à écouter. Peut-être parce que j'ai écouté directement sur Spotify et pas en regardant la vidéo qui va avec, mais c'était vraiment très très très très très chouette. Mais du coup, Music is God, My Love, Chassol. Peut-être juste un mini point d'information sur Los Pollos Hermanos qu'on a écouté avant Eugene de Arlo Parks. Los Pollos Hermanos, c'est bien évidemment le nom de la chaîne de fast-food dans Breaking Bad. Si ça se trouve, ça fait partie de la BO. On n'a pas cherché jusque-là parce que nous sommes de mauvais journalistes. Mais vous pouvez la placer en soirée. Voilà, parce qu'elle est fucking groovy, ok? Music is God, my love, Chassol. Laissez-vous emporter, laissez. Allez, écoutez ce son qui se répète et allez chercher les détails derrière. On entend des techniciens qui parlent, on entend un début d'interview, on entend des petites choses comme ça. Bonne écoute. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. One, two, three, four. she's calling to you. Misty magic oceans are blue. Timeless wonder cease to wonder. And you know the spell you're under is mine. Many times I've seen the sunset, only 'cause I'm trying to get all the love my mind is holding. Unseen pleasures are exploding for me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Songs of lonesome sailors, golden cats in different zones, knowing that the spell of time is near. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. T-Rex Eastern Spell. Pardon, il y a la suite qui se lance tout seul, bravo. Eastern Spell que de ce groupe T-Rex que, dont j'ai toujours entendu le nom sans trop savoir ce que c'était. Et en fait, T-Rex, c'est très très bien. Il y a plein de choses, c'est très varié. Dis-moi, Asma, je t'entends. Il me semble que tu l'as joué à la guitare il n'y a pas longtemps, un truc de T-Rex qui est super oui, connu. Oui, c'est Cosmic Dancers. Ah oui, voilà. Qui est, Dancers. Qui est effectivement... je suis retombé sur T-Rex grâce à ce morceau-là qui est dingue. Ouais. Ils ont aussi fait un autre qui est très très chouette, que je vais vous dire. C'est Get It On. Qui est très connu, je ne devrais pas chanter là. Interprétation d'Arthur. Excusez-moi. Et du coup, non, T-Rex, très très chouette. Et j'aime beaucoup ce morceau qui est pour moi très très summer parce qu'avec cette petite percu un petit peu folle, pour moi c'est un peu le feu de camp qui part un peu en LSD comme ça, un truc un peu genre. Wouhou, ça commence, tu vois ce que je veux dire. Ça commence très très beau, je n'ai jamais pris de LSD, je vous rassure. Mais voilà, très belle guitare, très belle voix, très, très efficace, très court aussi, et c'est bien des fois des morceaux courts pour être être à l'heure à l'émission. Exactement. Eh bien, on revient en Belgique, encore une fois, pour la suite. C'est Mountain Bike, Mean With You. Pourquoi ? Pas tout simplement parce qu'à la rentrée, ils viennent jouer en live. Et ça fait un petit temps qu'on les attend, les petits Mountain Bike. Et on les a invités dans le Memento, déjà. Oui, allez voir sur Spotify, ouais. Memento, Back on est là. Back in the days. Et donc, ils vont jouer aux Nuits de Botta. Je pense que j'ai ma place. Je pense que Asma envisage très fort d'avoir une place avant que ce soit complet. Faites de même, on se retrouve. Et ben pour moi, en fait, c'est un morceau qui a l'air très très simple au premier abord, voire peut-être un peu simpliste parfois. Et sauf que, en fait, quand on le met à fond dans la bagnole et qu'on arrive au refrain qui met une couche en plus en termes d'intensité, et ben c'est très appréciable. Et du coup, je vous conseille de monter dans votre voiture dans les 3 secondes qui viennent, d'ouvrir les fenêtres, de mettre la musique à fond parce que c'est Mountain Bike avec Mean With You de leur dernier album Too Sorry for Any Sorrow. pleines et des cœurs d'enfants. Rien n'était plus beau qu'aujourd'hui. Le soir tombait comme un rideau. Les jeunes gens s'en allaient. Le soir tombait comme un rideau métallique. Les jeunes gens s'en allaient, rêvant à l'air libre, à l'air gêne, d'une autre plaine, et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions, éventraient le ciel, mais nous l'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Heure de rien. Montait enfin cette clameur qui étourdit. Les nues se fendaient de sifflets. Les jeunes gens s'en allaient. L'azur se fendait de sifflets métalliques. Et les jeunes gens s'en allaient. Hâtivement élevait au milieu de la plaine. Parmi livres cortes, il s'en allait, sur le champ, s'en allait se perdre au milieu de livres cortes qui hâtivement élevait un grand bûcher pour se distraire. Là tout juste au cœur de la plaine. Au cœur de la plaine. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions peur de rien. Peur de rien. Peur de rien dans cette plaine. Cette autre plaine. Il est 21h20 et on est toujours sur Radio Panique dans le Memento. Vous venez d'écouter Porte Z de Feu Chatterton. Alors Arthur, pourquoi ce choix ? Parce qu'ils viennent de sortir un nouvel album et ce qu'on vient d'écouter n'est pas de leur dernier album, mais j'avais envie de mettre un truc un peu plus qui bougeait un peu plus parce que c'est très bien. Feu Chatterton, pour moi, ce sont des gens qui sont très très crédibles à faire de la poésie, puis parfois mettre un petit synthé comme celui-là. Ooh. Yeah. Et on aime beaucoup. Et voilà, un très très bon mélange de poésie française avec ce chanteur qui s'appelle Arthur, ce qui n'est pas pour me déplaire. et ils sont très crédibles et avec une musique qui est ultra bien foutue, ultra bien recherchée dans les sonorités, dans le groove, dans voilà. Moi, je trouve ça très très fort. Leur dernier album s'appelle Palais d'Argile. Allez checker ça, allez checker les autres parce que c'est franchement pas dégueulasse. On va rester dans le français pour s'approcher tout doucement de la fin de ce Memento spécial Summer Pépitas. Déjà. Ouais, on va revenir à Marseille. Peut-être qu'on est un peu monothématique aujourd'hui, mais bon, on en revient, donc on est un peu hypé par ça. Et moi, je vous ai choisi un morceau que tout le monde connaît, je pense. Enfin, je crois. qu'on avait peut-être un peu oublié, et que quand je suis arrivée à Marseille, que je suis arrivée dans mon logement et que j'ai été faire quelques courses dans un magasin dont je ne citerai pas la marque, j'ai vu Belle Sens et je me suis dit, putain, ça ressemble à une chanson que je connais. Et en effet, un petit Belle Sens Breakdown qui est en fait une ode à la cité marseillaise, à ce quartier-là. Qui est un quartier du centre. Ouais, voilà, qui est à côté du Vieux-Port, de la Canebière et tout. Et donc l'artiste Bouga, il y raconte un peu la monotonie du quartier à cette époque-là, et où il y avait le funk et le rap qui dominaient. Et pour la petite info, c'est un morceau qui est issu de la bande originale du film Comme un aimant. Je ne connaissais pas, où il y a pas mal de bons rappeurs qui sont dessus, Akhenaton, Psychiatre de la Rime et tout ça, à l'ancienne, quoi. C'était la grande époque du Skyrock. En fait, c'était la première vague du rap, oui, c'est ça. Du rap marseillais, quoi. Exactement. Et puis, je pense que Marseille est un peu redescendue, elle revient en force. Mais, ça voilà, donc, et d'ailleurs, ce qui est très très beau, c'est que Jul, avec tous ses featuring et tout ce qui est bande organisée, ouais. Très organisée, très machin, pardon, je suis pas bon au rap, c'est qu'il a aussi fait un morceau justement avec IAM. Avec voilà. Il a dit, on va rassembler les quartiers nord, les quartiers sud, et on va rassembler les différentes générations. On va pousser des petits jeunes, parce qu'ils méritent d'avoir de la visibilité, yes. Et de la force. Et on va aussi pousser les plus vieux, parce que ils méritent de revenir sur le devant. Voilà, sans eux, ils y seraient pas. Mais vous allez reconnaître le morceau dès les 0,3 premières secondes. Non. Bah, j'ai appuyé deux fois sur play. Ah. Nicolas, tu nous manques. Tout Paris vient d'ici. Tu contestes, prépare ton test à manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le Vieux-Port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on s'est vu sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui l'eût cru, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown. De mon front, pas de rêve, gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive, on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus, et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais, on en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzunce. Sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Balzan's Breakdown. Balzan's Breakdown de Booga. La grosse base. Comme on se disait en off, l'instru est phénoménale, elle est ultra bien foutue. Elle est tellement bien foutue qu'il s'est dit qu'il fallait pas trop rapper non plus. Pas trop dire des trucs intéressants. Ouais, après, je vous encourage vivement à aller, s'il y a une ville dont vous aimez la culture, d'aller visiter, parce que quand ça parle de certains endroits, de certains trucs, c'est très agréable de comprendre de quoi ça parle. Moi qui n'avais aucun lien avec le rap marseillais jusqu'ici, eh bien ça fait plaisir. Et ça fait tellement plaisir que c'est la fin de ce Memento spécial Summer Pépite. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve de toute façon dans un petit mois. Merci Asma de m'avoir accompagné. Et merci de m'avoir invité à nouveau. Que je ne meure pas tout seul sur ma technique. La conclusion, c'est toi qui l'as proposée. Oui. Avec un petit Maxime Lamy. Lani, avec un once qui s'appelle Renaissance. C'est un artiste que j'ai découvert il y a 2 ans, on peut que le pop par hasard, et que j'ai réécouté encore une fois sur le chemin des vacances avec mon petit ravier de fraises acheté sur le bord de la route, là, tu vois. Oh, il y a tous les melongues et tout qui goûtent le soleil. Je le mets tout doucement en petit fond pour sentir cette petite ambiance. Les gars, je vous invite à vous lever, à danser, à fermer les yeux et profiter du reste de l'été. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite, chers auditeurs de Radio Panique et autres sphères podcastiennes. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. A priori, juste après, c'est nos amis de Réservoir d'Ob comme d'habitude. On vous souhaite tout le meilleur, un bel été. On se retrouve en août ou sur n'importe où vous voulez, parce qu'on vous aime. Gros bisous, tchuss. Ciao. We'll be right back.